Les membres de la troupe de pèlerinage des jeunes et enfants de tout le pays à la maison natale du général Kim Jong-il à l'ancien camp secret du Mont Paektun ont visité le 6, l'ancien théâtre de combat révolutionnaire de Samjiyon. Ils ont tout d'abord déposé les corbeilles et bouquets de fleurs devant la statue en bronze du président Kim Il-sung au grand monument de Samjiyon avant de rendre leur hommage. Ensuite, ils ont fait le tour de divers endroits comme le lac Samji, la tour de flambeau et les groupes sculpturaux auxiliaires du monument. Puis, ils ont visité l'arrondissement de Samjiyon. Ils ont déposé les corbeilles et bouquets de fleurs devant la statue en bronze du général Kim Jong-il érigée à l'arrondissement et rendu leur hommage. Après avoir fait le tour de plusieurs endroits du chef-lieu de l'arrondissement, ils ont assisté à la représentation des membres du cercle artistique du Palais des Enfants de Samjiyon. Le lendemain, les pèlerins ont visité la centrale hydroélectrique des jeunes héros Paektusan numéro 1.